chapitre 13. Luke chapter 8 verse 13. Luc chapitre 8 verset 13. Verset 13. Okay. Luke chapter 8 verse 13. Open your Bibles. Luc chapitre 8 verset 13. Ouvrez vos Bibles. Shallowness. La superficialité. They on the rock are they which when they hear receive the word with joy. And these have no roots, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Hallelujah. Amen. Yeah, that's shallow. Have no roots. C'est ça la superficialité. Ils n'ont pas de racines. Amen. Amen. The word has no roots in your life. La parole n'a pas de racines dans ta vie. Amen. Amen. You are shallow. Tu es superficiel. It's on the surface. C'est sur la surface. And any tree. Et tout arbre. That is on the surface. Qui est sur la surface. That does not have roots, deep roots. Qui n'a pas des racines profondes. Hallelujah. Amen. Will fall when the rain comes. Va tomber quand la pluie vient. Hallelujah. Amen. Will fall when the wind comes. Va tomber quand le vent vient. Will die when the sun is hot. Va mourir quand le soleil est chaud. Are you with me? Est-ce que vous m'écoutez? Yeah. Yeah. So you can easily backslide. Donc tu peux facilement rétrograder. You can easily go away from God. Tu peux facilement t'éloigner de Dieu. You can easily be offended. Tu peux facilement être offensé. And you will leave the church. Et tu vas quitter l'église. You leave God. Tu vas quitter Dieu. Because there's no roots. Parce qu'il n'y a pas de racines. Hallelujah. Amen. You are not deep. Tu n'es pas profond. Amen. Amen. And when we talk about deepness, we're talking about your understanding of certain things. Quand nous parlons de la profondeur, nous voyons ta compréhension de certaines choses. Amen. Amen. You have a deep understanding of your salvation. Tu as une compréhension profonde de ton salut. Amen. Amen. Yeah, last week somebody was giving a testimony. La semaine passée, quelqu'un donnait un témoignage. And was saying that he was a Buddhist. Et disait qu'il était bouddhiste. Amen. Amen. Then he gave his life to Christ. Et il a donné sa vie à Dieu. And he said, any time. Et il disait à chaque fois. That somebody is giving his life to Christ. Que quelqu'un donne sa vie à Christ. He always remember. Il se souvient toujours. The day he also gave his life to Christ. Le jour où il a donné sa vie à Dieu. Hallelujah. Amen. This person understands his salvation. Cette personne comprend son salut. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You need to understand your salvation. Donc tu dois comprendre ton salut. So that you don't backslide. Afin que tu ne rétrogrades pas. Amen. Amen. Yeah, that's why we have the school of the new believers school. Voilà pourquoi nous avons la classe des nouveaux croyants. Yeah, to understand your salvation. Afin de comprendre ton salut. So that you don't backslide. Afin que tu ne rétrogrades pas. Amen. Amen. Because if you don't understand, you backslide. Parce que tu ne comprends pas, tu vas rétrograder. You undermine or underestimate your salvation. Tu vas sous-estimer ton salut. And you can easily backslide. Et tu peux facilement rétrograder. Are you with me? Êtes-vous avec so moi? It's very, very important. C'est très, très important. That you understand why here. Et tu comprends pourquoi tu you es understand ici. You, why you need the word of God. Et tu comprends pourquoi tu as besoin de la parole de you Dieu. You understand why you need to pray. Et que tu comprends pourquoi tu dois prier. Amen. Amen. Nobody should tell you to pray. Personne ne doit te demander de prier. You should be able to get up and pray yourself. Tu dois pouvoir te lever because et prier you know de toi-même. How important the prayer is for your life. Parce que tu connais combien importante est la parole, la prière. Are you with me? Yeah. Yes. Shallowness. La superficialité. Shallowness is very dangerous. La superficialité It's est très spiritual dangereuse. Disease. C'est une maladie spirituelle. Hallelujah. Amen. Yeah. If you are not deep, si tu n'es pas profond, you understand. Tu comprends. You can easily backslide. Tu vas facilement rétrograder. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. How do you know somebody is shallow? Comment est-ce que tu sais qu'une personne est superficielle? Huh? You can use three things or two things. Tu peux utiliser deux ou trois choses. To determine somebody who is shallow. Pour déterminer une personne qui est superficielle. The person cannot quote a scripture. La personne ne peut pas citer un verset. Yeah. If I begin to call you, give me, oh, you know, give me one scripture. Si je commence à appeler toi, donne-moi un verset. A lot of people have problems. Beaucoup de personnes auront des problèmes. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Maybe apart from John 3:16. Apart John 3:16. Apart from John 3:16, it's finished. Apart John 3:16, c'est terminé. It's finished. C'est fini. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec you moi? Need to memorize scriptures. Tu dois mémoriser you les need versets. To know certain scriptures. Tu dois connaître certains versets. Hallelujah. Amen. That's a sign. Ça, c'est un signe. If you can quote scriptures, tu peux citer un verset. A sign that you are getting deep. C'est un signe que tu es en train de t'approfondir. Tu es en train de t'approfondir. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, the second thing is, la deuxième chose c'est, you can pray for 1 hour. Tu peux prier pour une heure de temps. Yeah. Who cannot pray for 1 hour here? Qui ne peut pas prier pour une heure de temps ici? All of us. Nous tous. All of us. Nous tous. Yeah, so it's a good sign. Donc c'est un bon signe. Hallelujah. Amen. It's a good sign. C'est un bon signe. Pray for 1 hour. Prier pour une heure. Another thing is you can take a scripture. Une autre chose c'est que tu peux prendre un verset. And then explain to somebody. Et l'expliquer à quelqu'un. Teach somebody. Enseigner quelqu'un. Hallelujah. Amen. It's a sign that you are not shallow. C'est un signe que tu n'es pas superficiel. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yes, sir. If you can't do it, it means that you are shallow. Si tu ne peux pas le faire, ça signifie que tu es superficiel. Amen. Amen. Yeah. When you give your life to Christ, quand tu donnes ta vie à Christ, you need to grow. Tu dois grandir. Amen. Amen. Yeah. You need to grow. Tu dois grandir. You need to grow. Tu dois grandir. So that you get deep. Afin que tu t'approfondisses. You need to learn certain things. Et que tu apprennes. You need to understand certain things. Tu dois comprendre you certaines need to go choses. Into the word of God. Tu dois aller dans la parole because de Dieu. The Bible says that they on the rock are they which when they hear receive the word with joy and these have no roots for a while which for a while believe and in time of temptation fall away. La Bible dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Hallelujah. Amen. Temptation can take a lot of forms. La tentation peut prendre beaucoup de pensées. Hallelujah. A lot of forms. Beaucoup de formes. Hallelujah. Amen. Yeah. It can be a difficult, it can be a financial temptation. Ça peut être une tentation financière. Yeah. Financial difficulty. Une difficulté financière. Amen. Amen. It can be an issue in relationship. Ça peut être un problème dans une relation. Amen. Amen. Maybe you have an issue with somebody in the church. Peut-être que tu as un problème avec quelqu'un dans l'église. And if you are not deep, et si tu n'es pas profond, you fall away. Tu vas rétrograder. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. It can mean that you are offended by somebody. Ça peut signifier que tu es offensé par quelqu'un. Amen. Amen. Yeah. But when you are deep, mais quand tu es profond, when you understand that you need to forgive, quand tu comprends que tu dois pardonner, easily let go, tu peux facilement laisser passer, and you will not fall away. Et tu ne t'en iras pas. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. So shallowness is there, very dangerous. Donc la superficialité est understand. Très dangereuse. Comprends. Understand. Comprends. Ask. Demande. Read. Lis. Hallelujah. Amen. And have the Holy Spirit to help you to understand. Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Tell your neighbor, don't be shallow. Dis à ton voisin le superficiel. Don't be shallow. Ne sois pas superficiel. Amen. Amen. So, the second cause of backsliding. La deuxième cause de la rétrogradation. We said is what? Nous avons dit que c'était quoi? Emptiness. Être vide. Empty. Être vide. There is nothing in you. Il n'y a rien en toi. It's just like shallowness. C'est juste comme la superficialité. You don't have the word of God in you. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. You are empty. Tu es vide. Yeah. You don't have love. Tu n'as pas l'amour. For your brethren. Pour tes frères. For souls. Pour les âmes. Hallelujah. Amen. For Christians, you don't love. Pour les chrétiens, tu n'aimes pas. Tu les aimes pas. You don't have love. You don't have the Holy Spirit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yeah. Yeah, one of the ways to have the Holy Spirit all the time is to pray in tongues. L'une des façons d'avoir le Saint-Esprit, c'est de prier en langue plus autant. C'est le langage du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Always, always. À tout moment, à tout moment. Always. À tout moment. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli par le Saint-Esprit. And you are guided by the Holy Spirit. Sois guidé par le Saint-Esprit. You are led by the Holy Spirit. Sois conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. So don't be empty. Donc ne sois pas vide. Fill your life, you know. They say that nature abhors emptiness. On dit que la nature déteste le vide. Yeah. Yes, there is space. Où il y a de l'espace. Something will fill it. Quelque chose va remplir cet endroit. Yeah. Yeah. This morning or yesterday, I was telling my wife. Ce matin ou hier, je disais à ma femme. We have tried to create a lot of space in the house. Tu as essayé de créer beaucoup d'espace dans la maison. Anytime we create space, à chaque fois qu'on crée l'espace, you see that something will come and fill. Nous allons voir que quelque chose va venir remplir cet espace. And she thought that I was accusing her. Elle pensait que je l'accusais. Because most of the things that are most of the thing belongs to her. Parce que la plupart des choses lui appartiennent. When we create, quand on crée, when we are there, say, oh, maybe things are okay, we don't need space. Quand nous sommes là, on dit, okay, les choses vont bien, on n'a pas besoin de space. But when we create a space right now, mais quand on crée l'espace maintenant, one week, you see that the space is en here. Une semaine, l'espace est rempli. Yeah. Yeah. Amen. Are you with me? Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. So, it's the same thing in your spiritual, in your life. C'est la même chose dans ta vie spirituelle. Yeah. If you leave the space, it's empty. Si tu laisses un espace, un vide, something will come and fill it. Quelque chose va venir remplir ce vide. Satan will fill it. Satan va remplir ce vide. Yeah. If you leave it, si tu laisses, it will be filled. Ce sera rempli. Hallelujah. Amen. So don't leave it, fill it to yourself. Donc ne laisse pas cela, remplis-le toi-même. Amen. Amen. Are you with me? Yeah. Fill it to yourself. If you don't remplis fill it, toi-même. Satan, the enemy will fill it with something else. Si tu ne pries pas, l'ennemi va te remplir avec quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? So fill it with the word of God every donc, day. Donc remplis ça avec la parole de Dieu tous les jours. A verse every day. Un verset chaque jour. A verse every day. Un verset chaque jour. A verse every day. Un verset chaque jour. A verse every day. Un verset chaque because jour. Because your spirit needs the word. Parce que ton esprit a your besoin de la parole. Your spirit needs the word. Ton esprit a besoin you de la parole. You need to feed your spirit. Tu dois nourrir ton esprit. Your spirit needs the word. Ton esprit a besoin to de la parole. To grow. Afin de grandir. Hallelujah. Amen. Yeah. Your spirit needs it. Ton esprit en a besoin. Yeah. Some of our spirits are hungry. Certains d'entre nous, notre esprit sont affamés. Yeah, hungry. Hungry. Ils sont affamés. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hungry and they cannot grow. Your spirit are small. Ils sont affamés, ils ne peuvent pas grandir. Babies. Ils sont toujours des bébés. They can't overcome anything spiritually. Ils ne peuvent rien surmonter de spirituel. Ils ne peuvent rien faire. Always you are crying. À tout moment, il pleure. Always you can't come to church. À tout moment, tu ne peux pas venir because à l'église. Because you don't understand. Parce que tu ne comprends you're pas. A baby. Tu es un bébé. Yeah. Yeah. Your spirit needs to grow. Ton esprit a besoin de grandir. Your spirit needs to grow. Ton esprit a besoin de grandir. Yeah. You know, your spirit does not need prayer to grow. Vous savez, votre esprit n'a pas besoin de prière pour grandir. That's not what the Bible says. N'est pas ce que la parole de Dieu. The Bible says your spirit needs the word. La Bible dit que ton esprit a besoin de la parole pour grandir. Prayer is yeah, prayer is good. Prayer has its role. La prière est bien, elle a son rôle. Hallelujah. Amen. But it's not prayer that will make your spirit grow. Mais c'est pas la prière qui va faire grandir ton esprit. You know, Bishop always says that. Vous savez, l'évêque dit toujours que if you give him two people, si tu lui donnes deux personnes, one prays, un prie, praise the Lord, il prie beaucoup, but he doesn't know the word. Mais il ne connaît pas la parole. And there's somebody who doesn't pray. Et quelqu'un qui ne prie pas, but he knows the word. Mais il connaît la parole. He will take the person. Il va prendre la personne qui ne prie pas. The person who il va prendre la personne qui connaît la parole. Hallelujah. Amen. Yeah. Take that person. Il va prendre cette personne. Because as you know the word, parce que alors que tu connais the la parole, will direct you to pray. La parole va te diriger, va te conduire à prier. Pray. Something knows the word, the person will by all means pray. Une personne qui connaît la parole, elle va forcément prier. Forcément. Yeah. But the person who prays, who doesn't know the word, mais la personne qui prie et qui ne he connaît will pas stop la parole, at that point. Elle va s'arrêter à un point. Yeah, he will stop because he doesn't know why he's praying. Elle va s'arrêter parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle prie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. But you need a combination of two. Mais tu as besoin de la combinaison des deux. The word, alors que tu grandis dans la parole, pray without ceasing. Tu pries sans cesse. You see, pray without ceasing. Tu continues à prier sans always. Cesse. Tu pries à tout moment. The Bible tells pray always. La Bible dit prie à tout moment. And the word of God will direct you. Et la parole de Dieu va te diriger. And you will grow. Et tu vas grandir. Hallelujah. Amen. And you see that things also bring you faith. Et tu vois cette chose va aussi t'apporter la you foi. You will be filled with faith. Tu seras rempli de foi. Not doubts. Pas des doutes. The more you take in the word. Plus tu te remplis the more de la parole, you hear the word, plus tu écoutes la parole. Hallelujah. Romans 10 verse 17. The more you hear Romains the word, 10 verset 17. The more plus tu écoutes it, la parole, plus tu l'écoutes. The more your faith grows, plus ta foi grandit. Your faith will grow. Ta foi va grandir. And you become a man. Et tu vas devenir un homme. Or a woman of faith. Ou une femme de foi. Hallelujah. Amen. Not doubts. Pas les doutes. Yeah, Christianity is faith. La chrétienté c'est la foi. Faith. La foi. Faith. La foi. Faith. La foi. Do you understand? Si vous comprenez. Faith. La foi. So you need faith. Donc tu as besoin de la foi. Yeah. You should have faith to the point that even sometimes when you don't understand, you believe. Tu dois avoir la foi God à tel point que même parfois quand tu ne comprends pas, tu crois. Because God has said it. Parce que Dieu l'a dit. Yeah. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. So you believe. Donc tu crois. Yeah. You yeah. need faith. Tu as besoin de la foi. Every area. Dans tous les domaines. Yeah. And you know that one of the ways to know that you have faith. Vous savez l'un des moyens de savoir que tu as la foi. Do you want me to show you? Vous voulez que je vous montre? Yeah. It's by the things that you do. C'est par les choses que tu fais. Yeah. Faith is like obedience. La foi c'est comme l'obéissance. Yeah. Obedience. Faith, obedience. L'obéissance. When you believe, you obey. Quand tu crois, tu obéis. Quand tu crois, tu obéis. Tu fais, tu verras, tu viendras. Yeah, okay. Tu vas donner. Yeah. Like obedience. C'est comme l'obéissance. So faith, we see, but because the Bible says that faith without works. Is dead. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Yeah, so you need to do. Donc tu dois faire. If you have faith, you take the step. Si tu as la foi, tu vas prendre un pas. You do it. Tu vas le faire. You try it. Tu vas essayer. Oh, I believe. Let me do. Tu vas dire, oh, je crois, donc je fais. Faith. C'est ça la foi. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. So fill your life with the word. Donc remplis ta vie avec la parole. And the word will direct you to pray. Et la parole va te diriger à prier. La parole va t'aider à avoir la foi. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec so moi? So don't be empty. Donc ne sois pas vite. Every day, one way. Tous one, les jours, one une parole, one un verset, un verset, tous les jours. Médite. Memorize. Mémorise. The ones that you can memorize. Memorize ceux them. Que tu peux les mémoriser, mémorise-les. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. You'll be different. Tu seras différent. You'll be different. Tu seras différent. You'll be different. Tu seras différent. Yeah. Different. Wow. And we talk about the third cause is lust. Nous allons parler de la troisième cause qui est la convoitise. Excessive love for the things of the world. Un amour excessif pour les choses du monde. Yeah. You love money. Tu aimes l'argent. Money is l'argent your love. C'est ton amoureux. Forgive. Pardonnez. Hallelujah. Amen. Yeah. You should not anything. When you love anything more than God, it's dangerous. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est dangereux. Yeah. It's not good. Check yourself. Ce n'est pas bien. Vérifie-toi. Tell your neighbor, check yourself. Dis à ton voisin, vérifie-toi. What do you love most? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Yeah. Some people is their telephone. Certaines personnes, ce sont leurs téléphones. Your telephone. Ton téléphone. And you sleep. Et tu dors. When you get up, it's telephone. Quand tu te lèves, c'est le téléphone. And people is WhatsApp. Et pour certains, c'est WhatsApp. Every time WhatsApp. Tout le temps WhatsApp. Yeah. Every time. À tout moment. Yeah. In my office, they have some group WhatsApp. Dans mon bureau, on a un groupe WhatsApp. Hey. Hey. Sometimes I think like the people they don't work. Parfois, je pense que ces personnes ne travaillent pas. I don't remember the last time I commented. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai commenté. Because I don't have time. Parce que je n'ai pas le temps. I'm doing this, I'm doing this, I'm driving. When you are driving, then people are sending texts. I say, this morning, where are they? Are they not going to work? Ils pensent, je fais ceci, je fais cela. Et parfois, quand je conduis, ils sont en train d'envoyer des textes. Je dis, yeah. Ces personnes, est-ce qu'ils ne vont pas au travail? By the time I finish, I have 100 messages. Et d'ici que je termine, j'ai plus de 100 messages. I'll just delete it. Et je vais juste supprimer. Je vais juste supprimer, je ne veux pas. Hey, WhatsApp. WhatsApp. And some of you, the same thing. Et certains d'entre vous, c'est la même chose. WhatsApp. You know, technology is supposed to help us. Vous savez, la technologie est censée nous aider. It's not supposed to take away the time that we need to work. Ce n'est pas censé prendre le temps dont nous avons besoin pour y travailler et pour étudier. Yeah. Yeah. It's supposed to help you. C'est censé t'aider. It's not supposed to steal your time. C'est pas censé prendre ton temps. Are you with me? Yeah. Yeah. Some people is women. Certaines personnes, ce sont les femmes. Ils aiment they les femmes. Women. Ils aiment les femmes. They love. Ils aiment. They love sex. Ils aiment le sexe. Yeah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. The other time I was telling some people. Et dernière fois, je disais à certaines personnes. That young people. Que les jeunes. Are deceived. Sont trompés. When they are not married. Quand ils ne sont pas mariés. The thing that you who has never been in love before. Qui n'a jamais été amoureux auparavant. Hey, so everybody. Hey, donc tout le monde. Hey, hey. of you. Vous tous. Ah? Huh? So somebody laughs. Oh. You know? Savez? The deception is that. La déception c'est que. The thing that you feel in your heart. Ce que tu ressens dans ton cœur. For the person. Pour la personne. It's not true. C'est pas vrai. Because after marriage, it will not be there. Parce qu'après le mariage, ce ne sera pas là. Yeah. Yeah. After marriage, it will not be there. Après le mariage, ce ne sera pas là. Maybe some few weeks, something, see that it's gone. Quelques semaines après, tu verras it's que c'est parti. Parti. Hallelujah. Amen. You won't feel it again. Tu ne vas pas ressentir ça encore. Then you begin to ask yourself. Tu vas commencer à te demander. Is it love? Est-ce que c'est l'amour? So always we tell you that that feeling is not love. Donc parfois on vous dit que ce sentiment c'est pas l'amour. Most of the time it's lust. Parfois c'est la convoitise. It's your desire for sex. C'est ton désir pour le sexe. Yeah. Yeah. Yeah. That's why when you meet. Voilà pourquoi quand tu te rencontres. Vous rencontrez. You are likely to fornicate. Vous êtes vous avez beaucoup when you de chances de forniquer. Quand tu rencontres la oh, personne. I miss you. Oh, je, tu me manques. My heart cœur is like this bouge comme ça. When I don't hear your voice, quand je n'entends pas ta voix, I can't sleep. Je ne peux pas dormir. It's your voice to make me sleep. C'est ta voix qui va me faire dormir. After marriage, après le mariage, say you're talking too much. Tu as dit, oh, tu m'embêtes trop. Before marriage, like, oh, I want to hear your voice. Avant le mariage, c'était, oh, je veux entendre ta voix. But after marriage, mais après le mariage, you are talking too much. Tu as dit, oh, tu parles trop. I don't want to hear your voice. Je n'ai pas envie d'écouter ta voix. Yeah. Are you learning something? Est-ce que vous apprenez quelque chose? It's true. C'est vrai. So if you say. If you say you love somebody, donc si tu dis que tu aimes quelqu'un, think about it again. Pense à cela encore. Is it not sex that you want? C'est pas le sexe que tu veux? Ask yourself. Demande-toi, pose-toi la question. You are loving, you think that. Like, vous riez. Vous riez. Yeah. Yeah. That's why beloveds. Voilà pourquoi les bien-aimés can easily fornicate. Peuvent facilement forniquer. Yeah. Oh, je t'aime, je t'aime, je me manque. I'm missing you. Tu me manques. I'm missing you. Tu me manques. I'm missing you. Tu me manques. Yeah. Amen. That thing, check it, check it. Cette chose, vérifie-la. Check it. Vérifie-la. Is it not sex that you want? C'est pas le sexe que tu veux. Because after marriage, parce qu'après le mariage, then you got it. Et tu as you, cette chose. You have it. Tu l'as. You see that you don't miss again. Tu vois que tu ne manques plus. You don't miss again. Tu n'es plus en manque. Ah. You don't miss again. Tu n'es plus en manque. Yeah. Yeah. Or even when you are not married. Ou alors quand vous n'êtes pas marié. And you make a mistake and you fornicate. Et tu fais une erreur et tu forniques. You see that you feel bad. Tu vas voir que tu vas te sentir mal. So when you're in a relationship, donc quand tu es dans une relation, be careful. Fais attention. That's why I say don't stay alone together somewhere alone. Voilà pourquoi on dit ne reste pas dans un endroit seul. Yeah, that thing that you are feeling. Cette chose que tu ressens, it's lust. Il y a la convoitise. It's not love. Ce n'est pas l'amour, c'est la convoitise. Yeah. Love is when. L'amour c'est quand. The person has offended you. La personne t'a offensé. And you are not angry. Et tu n'es pas fâché. Yeah. Yeah. Yeah. Read it. Lisez-le. Lisez-le. Vous pouvez lire. It's me. It's not me. C'est moi. C'est pas moi. It's the Bible. C'est la Bible. 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Chapter 13. Chapitre 13. Yeah. Verse 4. Verset 4. Love suffers long. That's love is patient. L'amour est patient. It's kind. Elle est pleine de bonté. Envieth not. Elle n'envie point. charity vaunted itself not. La charité ne se vante pas. It's not puffed up. Elle ne s'en point d'orgueil. Does not behave unseemly. Elle ne se comporte pas malhonnêtement. Seek not her own. Elle ne cherche pas son propre intérêt. It's not easily provoked. N'est pas facilement irritée. Thinking no evil. Elle ne soupçonne point le mal. Rejoice in iniquity. Elle ne se réjouit pas dans l'injustice. Not in iniquity. Elle ne se réjouit pas dans l'injustice. But rejoice in truth. Mais elle se réjouit dans la vérité. Bear all things. Elle excuse tout. That's love. C'est ça l'amour. Believe all things. Crois en tout. Hope all things. Elle espère tout. Endure all things. Et elle supporte tout. Yeah. That's love. C'est ça l'amour. Did he say love is, I'm feeling my heart is moving from here? Est-ce qu'il a dit que je sens l'amour c'est mon cœur bouge d'ici à ici? Est-ce qu'il a dit que l'amour c'est tu me manques? Hallelujah. Amen. Yeah. Because when you get to marriage, parce que quand tu arrives au mariage, yeah, will come. Les réalités vont venir. Now it's real. Maintenant c'est réel. Before, avant, they are fantasies. C'était des fantasmes. Things are not real. Les choses n'étaient pas réelles. When I'm married, I'm going to hold you like this. Quand je vais te marier, je vais t'attraper comme ça. On the street of Accra. Et on va marcher dans les rues d'Accra. From Accra to... Let's go, let's go. Hey, after marriage, let's go. Hold your hand. Après le mariage, allons-y. Yeah. In the film, then they will do the film. Dans le film, ils vont faire le film. Then they will open the door for you. Il va ouvrir la porte pour toi. Come and sit down. Et on te dit, viens t'asseoir. Il va fermer la porte. Tu vas passer. Come and sit down. Viens t'asseoir. You think the man has a lot of time here? Tu penses que le garçon a beaucoup de temps là, au Ghana. In Africa. En Afrique. He don't have that time. Il n'a pas ce temps. Open the door and sit down yourself. Ouvre la porte et assois-toi toi-même. Huh? In Africa, at least in Africa. En Afrique, au moins en Afrique. Or in Ghana. Ou au Ghana. Yeah. It's not like that. Ce n'est pas comme ça. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? So when you say you love somebody. Donc quand tu dis que tu aimes quelqu'un. Think about it twice. Pense à cela deux fois. Is it that I want something? Est-ce que c'est que je veux quelque chose? Because they say the love does not seek her own. Parce qu'on dit la charité n'est point égoïste. Does not seek her own. Ne cherche pas son propre intérêt. Yeah, but does not seek her own. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Is seeking the interest of the other person. Elle cherche l'intérêt de l'autre personne. Yeah. As people say that, oh, if you don't give me, you don't love me. La personne dit, oh, si tu ne me donnes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. It's not true. You rather are supposed to give. C'est pas vrai. C'est plutôt toi qui es censé donner. Yeah. It's you that are supposed to call. C'est toi qui es censé appeler. You didn't call me, so you don't love me. No, tu m'as pas appelé, donc tu m'as pas appelé. Non, c'est toi qui es censé appeler. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? But why am I talking about love? Oh, mais pourquoi je parle de l'amour? It's a backsliding, no? Non, c'est au sujet de la rétrogradation. Yeah, last. Oui, la convoitise. Last. La convoitise. Hallelujah. Amen. If you love something excessively. Si tu aimes quelque chose excessivement. It's wrong. It's not good. C'est mauvais. Hallelujah. You shouldn't love anything above God. Tu ne dois rien aimer au-dessus de Dieu. Yeah. God should be first. Dieu doit être premier. Before any other thing. Avant toute autre chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. I'm closing soon. J'ai fini bientôt. The other cause of backsliding is bitterness. L'autre cause de la rétrogradation, c'est l'amertume. When you are bitter. Quand tu es amer. Yeah, when you are bitter. Quand tu es amer. When you come to church, rejoice. Quand tu viens à l'église, that's réjouis-toi. That's why we are singing, we are happy. Pourquoi on chante, on est content. Ah, let all bitterness go. Donc laissez l'amertume partir. It will destroy you. Ça va te détruire. It will destroy relationships. Ça va détruire les relations. You won't have anybody to talk to. Tu n'auras personne à qui parler. Because you are bitter. Parce que tu es amer. Yeah. It's not good. C'est pas bien. Yeah. Bitterness will separate you. L'amertume va te séparer. Yeah, it's like diabetes. C'est comme le diabète. Yeah, when you have a sore here. Quand tu as une blessure ici, and it's not healing. Et ce n'est pas, ça ne guérit pas. Yeah, they will cut your finger. Ils vont couper ton they will separate doigt. The finger ils vont from séparer the body. Le doigt du corps. Yeah. So if you are bitter, you can be separated from other donc si tu es amer, tu pourras être séparé des autres. Be in your corner somewhere, tu crying, seras dans ton coin quelque you'll part. Be thinking, tu seras en train de angry, pleurer, en train de penser, tu seras and the people en colère. Against whom you are angry. Et les personnes aussi seront. They are happy somewhere. Ils sont heureux quelque part. And you are angry here. Et toi, tu es en colère ici. Yeah. Hallelujah. Amen. So bitterness is dangerous. Donc l'amertume est dangereuse. Can destroy you. Ça peut te détruire. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah, moi? The Bible says that don't let any root of bitterness. La Bible dit que ne laisse aucune racine spread de l'amertume from your life. Germer dans ta vie. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, and the fifth one is sinfulness. La cinquième chose c'est une nature pécheresse. Ah, sinfulness. Don't be sinful. Une nature don't pécheresse. Sin. Ne pêche pas. Don't sin. Ne pêche pas. Amen. Amen. It's possible not to sin. C'est possible de ne pas pécher. It's possible. C'est possible. Hallelujah. Amen. It's possible not to sin. C'est possible de ne pas pécher. Amen. Amen. Then the sixth one, without truth. La sixième c'est manque de vérité. Without truth. Un manque de vérité. Be truthful. Sois vrai. Hallelujah. Amen. Don't lie. Ne mens pas. Don't tell a lie. Ne dis pas un mensonge. If it's red, don't say it's white. Si c'est rouge, ne dis pas c'est blanc. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Don't lie. Don't tell a ne lie. Ne mens pas. Ne mens speak pas. Speak the truth. Dis la vérité. Speak the truth. Dis la vérité. Hallelujah. Amen. Yeah. If you know that you don't want to say, don't say anything. Tu sais que tu ne peux pas le dire. Ne dis rien. Yeah. If you know that when you say it, it will be a lie. Si tu sais que quand tu vas le dire, ce sera un mensonge. Yeah, dis à la personne, je n'ai aucun commentaire. Please, I can't don't go away. I can't s'il te plaît, je ne peux pas répondre. Pardon. So that you don't lie. Afin que tu ne montes pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. And then the next one is. Et le suivant. Foolishness. C'est la stupidité. Foolishness will make you backslide. La stupidité va te faire rétrograder. Hallelujah. Amen. Wow, I think we've wow, je pense want que to close. Hallelujah, stand up. Nous voulons terminer, levez-vous. We are closing, stand up. On a terminé. We'll continue next week. On va continuer la semaine prochaine. Hallelujah. Amen. Amen, stand up and let's pray. Levez-vous, I hope levez-vous. You are blessed. J'espère que vous êtes bénis. You are blessed. Vous êtes bénis. Yeah. Let's stand up, close your eyes and thank levez-vous, God. Levez-vous, fermez vos yeux et merciez Dieu. Thank God. Merci Dieu. That he has delivered you from backsliding. Il t'a délivré de la rétrogradation. Delivered in the name of Jesus. Délivre au nom de Jésus. Father, we bless you. We thank you for this time. We give you all the glory. Father, thank you for your word that has given us light into how not to backslide, to be deep, to be rooted, to be good Christians, to tell them to not be shallow, to not to have excessive love, lust for other things. My Father, love for you. Father, we thank you, we bless you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's Amen. Close our eyes before we sit down. Fermons yeux avant de if you are here, si tu es ici, you are not born again. Tu n'es pas né de you haven't received Christ as your Savior. Tu n'as pas reçu Christ comme ton sauveur. Tonight we want to give you the opportunity. Aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité. The Bible says that except you are born again, la Bible dit qu'à moins you que cannot tu see the nouveau, kingdom of God. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. And tonight you can receive Christ. Et aujourd'hui, tu peux recevoir Christ as your personal Savior. Comme ton sauveur personnel. And your name will be written. Et ton nom sera écrit in the book of life. Dans le livre de vie. One day, un jour, when they mention the name, et ils vont mentionner les your noms. Name will be mentioned. Ton nom sera à l'intérieur. And you will not go to hell. Et tu n'iras pas en enfer. If you are here, lift up your hands. Tu es ici, lève ta main. And give your life to Christ. Et donne ta vie à Christ. Lift up your hands. Lift, if you want to give your main. Life to Christ, close your eyes. Close your eyes. Fermez vos yeux. If you want to give your life to Christ, tu veux donner ta vie à Christ. If you want to give your life to Christ. Tu veux donner ta vie à Christ. Hallelujah, Father, we thank you for Amen. Salvation. We thank you for tonight in the name of Jesus. And everyone say Amen.